Bonjour, bonsoir, c'est Mathieu, le créateur des petites histoires. En 2020, j'ai envie de rendre le podcast encore plus chouette. Mais pour y arriver, j'ai besoin de vous. Si vous pouviez répondre avec vos parents à quelques questions, ça m'aiderait beaucoup. Ça vous prendra 3 minutes et ça me permettra de savoir ce que vous pensez du podcast et ce que vous aimeriez écouter cette année. Vous avez déjà répondu ? Merci beaucoup. Et si vous ne l'avez pas fait, le lien vers le questionnaire se trouve dans les notes de l'épisode. Merci d'avance. Et maintenant, place à votre petite histoire. Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez un chantier, un mur géant, des drôles d'idées et vous obtiendrez le mur de l'imaginaire. Pas loin de chez moi, il y a un grand terrain protégé depuis que je suis née par une palissade en métal colossal. Personne ne sait ce qu'il y a derrière. Comme c'était super silencieux, j'ai d'abord pensé qu'il y avait un repère d'agents secrets ou la base d'un robot géant protecteur de l'humanité. Un jour, j'ai senti une drôle d'odeur. Peut-être qu'un groupe de trolls puants y séjournait. À moins que des sorciers en slip de poils de sanglier n'y préparaient une potion pour changer les enfants en shoot Bruxelles zombie. Ce matin, j'ai vu deux personnes en habit de chantier ouvrir une porte cachée. Ils portaient une pelle et des tas d'outils. Des archéologues ? Allait-il découvrir une pyramide ou les restes d'un dinosaure ? J'ai vu la porte se refermer lentement. J'ai foncé pour me faufiler. Et puis, je me suis arrêtée. C'était trop bête de savoir ce qu'il y avait pour de vrai. C'était bien plus drôle d'imaginer.